Analyse de la Primavera. Nous sommes arrivés à ces deux pages fascinatrices d'une telle soudaineté d'éclosion dans le domaine des images que rien n'apparaît comme les ayant précédées et que rien n'a pu ensuite leur ressembler, l'allégorie du printemps et la naissance de Vénus. Il ne suffit pas de dire que les poètes avaient préparé le sujet presque mot pour le peintre. C'est un raisonnement d'érudit dépourvu du sens plastique. Rien de commun n'existe entre un poème et la peinture où l'on retrouve plus ou moins de données qui n'ont plus la même force ni le même sens en passant du langage verbal dans celui des couleurs. Il n'y a chez le peintre ni traduction ni même transposition, mais création entièrement neuve. Sans cela, comment se ferait-il que 20 peintres donnassent d'un même poème 20 tableaux entièrement différents et opposés, tout en y introduisant les traits et les détails énumérés dans l'écrit? Et comment se fait-il qu'un seul, et le seul Sandro, en recréant les descriptions d'Alberti et de Politien, nous donne une sensation précise, une, intense, au lieu de la vague, indéterminée et faible, en somme, évocation de ces poètes? Enfin, si musicale que soit chez les grands écrivains la succession forcément lente des mots, elle n'a rien qui se rapproche de la simultanéité des gestes, actions et couleurs, ni rien qui en donne même l'idée. Nous n'avons donc pas plus à nous préoccuper du prétexte des poèmes contemporains que de la libéralité des Médicis. La part de Botticelli demeure exclusive et intégrale. Il ne nous est de même pas utile de nous arrêter à déchiffrer le sujet du point de vue historique. En quoi cela ajoute-t-il à notre plaisir de savoir si le printemps est un hommage commandé par Julien pour célébrer la belle Simonetta, ou bien, en rapprochant quelques ressemblances entre une figure de cette scène d'une autre dans la fresque de la Villa Lemmi, comparée planche 22 et planche 51, si c'est en l'honneur de Giovanna Tornabuoni que se passe la fête? Le seul spectacle nous donne tout. Nous pouvons sans regret nous passer du reste. Une jeune dame est entrée dans une forêt enchantée, s'avançant entre les arbres chargés de fruits vermeils et foulant du pied un tapis de fleurs. On veut que cette dame soit Vénus. Vêtue ainsi à la Florentine, pourquoi? C'est une reine et une déesse. Partout où une femme apparaît au printemps et se livre à la douceur d'en respirer les parfums et d'en écouter les harmonies, elle est à la fois princesse et divinité. Celle-ci est captivée par le concert dont les invisibles exécutants accompagnent les danses de personnages qu'elle rêve sans non plus les voir, comme le prouve la direction de son regard. Elle bat le tempo, scande le rythme, à mesure que ses voix intérieures les créent. Un petit héros, voletant, lance ses traits à l'aveuglette. Il pourrait être supprimé sans inconvénient, ne servant en rien à l'arabesque. Il y nuit même plutôt, cachez-le un moment. Étant figure allégorique de conventions médiocres, il ne sert sans doute qu'à expliquer aux âmes obtuses l'atmosphère amoureuse qui se dégage bien sans lui de toute cette vision de joie et de volupté fleurie. Ce que rêve la promeneuse captivée, extasiée, simplement que des nymphes forment des pas de danse, qu'un jeune héros, svelte et demi-nu, s'affaire à cueillir le plus beau fruit, insensible à la musique. Enfin que Flore, la terre et Zéphyr poursuivent ensemble leur marche envahissante au suave ravage. C'est à nous que tout cela se révèle, c'est sur nous que se dirige son regard. C'est nous qui, à la fois à sa place et à la nôtre, sommes enveloppés de la vibration qui anime ces harmonieux fantômes. C'est un des miracles et des paradoxes de l'art pictural, et ici en particulier de Botticelli, que, sans recourir aux ressources trop faciles du vague, du vaporeux, de l'imprécis, dont la peinture moderne a fait un abus si facile, une impression de légèreté suprême soit suggérée par ce relief de sculpture vivante et par un dessin d'une précision si rigoureuse qui pourrait aller sous tout autre pinceau jusqu'à la sécheresse, alors qu'au contraire, l'enlacement et le mouvement des lignes palpitent et surabondent de vie. Telle est la puissance du rythme. Il est ici infiniment curieux à étudier. Deux groupes, s'équivalant par leur ensemble plutôt que par le détail des volumes, forment à leur partie supérieure deux belles courbes analogues à celles des deux plateaux d'une balance, ligne dont la vertu expressive est de donner même au repos à la fois l'idée d'un équilibre harmonieux et d'un mouvement continu. le rythme différent de la partie inférieure contrastant avec l'autre, mais toutefois le complétant, est plus subtil, plus caché, mais irrésistible. Il est donné par les pieds en danse des nymphes et les pieds en marche des divinités saisonnières. Le premier groupe tournoie un moment sur place, l'autre, se mouvant obliquement, amorce une manœuvre enveloppante et le tout continuera d'évoluer en cercle autour de la figure centrale, prisonnière de son ravissement. Cette explication n'est nullement de la littérature, quoique nous soyons forcés de nous servir des mots les plus proches possibles des images. Mais essayez, en traçant vous-même des lignes qui suivent cette construction si bien dissimulée, de la ramener à une figure géométrique, avec l'adjonction de petites flèches dans le sens des mouvements. Vous conclurez que rien n'est moins littéraire. Il serait d'ailleurs parfaitement absurde de supposer que Sandro a conçu son œuvre par la géométrie, qu'il ait calculé au préalable les courbes, volumes et directions. C'est beaucoup plus beau que cela qui serait mort-né. Il a été entraîné d'instinct par la logique de sa joie et par le lyrisme de cette logique. La vision lui est apparue vivante et splendide d'un seul coup. Le petit amour surajouté, peut-être pas après tout, de la conception du peintre, mais qui sait, sur quelques caprices puérils du mécène, n'est qu'une superfétation qui, heureusement, ne fausse pas cet admirable rythme. Les grandes œuvres d'art sont des êtres nés complets, doués de tous les éléments et organes de leur vie. Pas plus que dans la vie des êtres animés, les membres ne s'ajoutent les uns aux autres successivement. Ils s'accroissent, certes, mais toujours d'ensemble. C'est pour cela que beaucoup d'œuvres se développent de travers et sont infirmes ou mortes. Tandis que dans les cas les plus beaux et les plus rares, nous sommes dominés par la seule sensation de l'épanouissement. Le secret nous en échappe. D'abord, l'analyse ne fait qu'augmenter notre admiration. Elle fait de nouveau et en même temps vite place à notre plaisir. Dans le printemps, ce plaisir résulte non seulement du mouvement général, mais encore du charme de chaque personnage en particulier. De même que dans un bel être, nous nous complaisons à reposer tour à tour nos yeux sur les détails de sa beauté. Prenons-nous, dans le printemps, les groupes en tant qu'inséparables. Les trois nymphes ou grâces, elles sont l'une et l'autre, nous ravissent par leur essence diaphane, la souplesse de leur corps, les bras tour à tour abaissés, leurs mains délicieusement tressées. Puis c'est le caractère de chacune d'elles, si finement décrit par le costume, le degré d'animation, la physionomie enfin. Nous ne nous lassons pas de comparer les séductions si diverses de ces trois caractères si bien différenciés par leur expression, de l'enjouée, de la simple, de la fière. Passons-nous au groupe de droite, où marche allègrement Flore, où la terre près d'elle poussée, soulevée par le zéphyr, de sa respiration sème des fleurs. L'impression est plus étrange et plus sauvage, et l'opposition est heureuse entre cette évocation de nature et l'évocation d'art qui émane de l'autre cœur. La Flora est une des plus singulières et des plus troublantes interprétations féminines de notre Sandro. Peuvent être déroutés tout d'abord ceux qui reconnaissent Botticelli au seul type, qu'on n'a pas été d'ailleurs sans résistance à admettre et à admirer, de ces madones. Mais comme cette créature-ci s'anime et nous trouble et nous nargue de ses yeux clairs et de son sourire avivé et quasi cruel de jeune bête des champs, lorsque nous comprenons que le peintre a saisi et à la fois transfiguré la fille de la terre, le beau végétal femme, la jardinière. Ainsi, lorsque nous nous donnons la peine de pénétrer dans la sensibilité de Botticelli, il y faut être apte, bien entendu, sous condition de sympathie, cette sensibilité, à son tour, pénètre en nous, et il est peu de grandes œuvres d'art qui puissent opérer avec plus d'acuité cet échange immortel. La Renaissance de Vénus. Sur la plupart de ceux que captive ce maître et cet art, la naissance de Vénus agit plus intensément encore par des moyens plus simples, et nous sommes disposés à l'admettre, quoique rebelle à l'idée de priorité entre des œuvres si différentes, plus grandes, différentes d'inspiration d'abord. Toutes deux furent accomplies après son retour de Rome en 1482, mais dans le printemps, il redécouvrait Florence. Il se souvenait de Rome dans la Vénus et du capiteux arôme de l'art antique qui rejaillissait alors de son linceul de terre et de ruines. Le décor même de la Nascita di Venere, l'a-t-on jamais remarqué, révèle que Botticelli avait eu connaissance des peintures gréco-romaines, telles que peu à peu le monde les a vues fleurir à nouveau sur les parois des maisons pompéiennes. Bien présomptueux et inclairvoyant, celui qui, raisonnant sur les voyages connus du peintre, l'histoire des fouilles et autres considérations de ce genre, entreprendrait de prouver le contraire par dates et par fiches, alors que c'est l'œuvre elle-même qui nous l'affirme. Comparons les paysages si finement détaillés dans le sens de la réalité optique, le Saint-Sébastien, les fresques de la Sixtine, et d'autre part cette façon simplifiée, schématique, de faire allusion à la mer guillochée de vagues, au bois sacré où va aborder la déesse, et non pas de les représenter, de les décrire. Tout, y compris l'unité même de la couleur, rappelle les décorations, peintures murales ou mosaïques, dans l'atmosphère ravivée desquelles l'imagination de Sandro allait se plonger, la repeuplant avec une tendresse passionnée. Cet archaïsme voulu, servant d'accompagnement à la vie dans toute sa fraîcheur, sans qu'il y ait d'opposition entre l'un et l'autre partie, est un charme de plus et une géniale trouvaille de la sensibilité et de l'intelligence. Oui, Botticelli revenait enivré de la beauté antique et la vision s'était emparée de lui par l'opération mystérieuse du souvenir médité, transformé et reprenant la forme la plus pure, simultanément à l'époque où il se retrouvait florentin. Mais ce qui fait la beauté suprême de l'œuvre, ce n'est pas seulement cette alliance à travers les temps, de l'esprit d'un homme avec celui d'un monde évanoui dont il demeure seulement des témoignages éloquents, mais dépaysés. Cela ne suffirait pas et deviendrait facilement ouvrage de pasticheurs plus ou moins documentés. La merveille, c'est qu'il n'y a rien d'antique dans cette saisissante évocation de l'Antiquité. Nous avons toujours considéré comme puéril le débat sur ce que Botticelli devait ou ne devait pas à la Vénus de Médicis. Que l'on étudie ce qu'une belle statue de marbre a pu tirer du prétexte que lui offrait un modèle vivant, soit. Mais quand c'est ici la chair même, radieuse, souple, tiède, les cheveux d'or et de tumulte, les yeux avec leur profondeur dangereuse, leur inquiète et inquiétante énigme, les bras et les mains, de lignes et mouvements adorables, qui semblent retenir l'effervescence vitale de la naissante, les jambes élancées qui embelliront la terre où elles se poseront. Si tout cela a pu s'envoler d'un marbre et s'avancer vers nous, n'est-ce pas une seconde création où la recherche de la maternité doit être interdite? Vraiment, pour s'attarder au facile rapprochement entre Praxitèle et Botticelli, on mériterait d'être métamorphosé à son tour en statue non de marbre, mais de bois. C'est cette vision vivante et parfaite, cette renaissance et non naissance de Vénus qui fait la beauté de l'œuvre et sa grandeur. Les souffles cléments et fleuris qui poussent la déesse vers la rive et la nymphe elle-même qui s'apprête à couvrir ses épaules d'un riche manteau ne sont là en effet, malgré l'originalité et le goût de ses figures, que pour faire valoir encore son clair rayonnement. Il lui forme comme un encadrement en forme d'arche brisée. La décrire, elle, est s'acharner après l'insaisissable. Quelle parole pourrait rendre, sous la plume même du plus grand poète, l'expression de ses yeux redoutables et caressants? Comment peut-on donner une idée des lignes de ce corps qui, par leur douce ondulation, leur imperceptible porte-à-faux, donne l'idée de l'oscillation sur les ondes mouvantes? Une ligne ne s'explique que par elle-même, surtout quand elle est jaillie du génie inspiré. L'admirable Vénus du musée de Berlin, qui a eu le temps de discipliner en fine tresse sa chevelure, qui était agitée par le vent marin dans la Nascita, est d'aplomb et non balancée, trouvaille et confirmation. Nous renonçons à poursuivre ces remarques déjà trop longues sur un chef-d'œuvre dont l'éloquence est si enivrante, si fascinatrice et si claire en même temps que le monde entier l'a comprise et ressentie. C'est à ce point que quelques-unes des meilleures pages critiques qui aient été produites sur la Vénus et sur le nu chez Botticelli sont dues à un japonais, Yukio Yashiro, Londres, 1921. qui rapproche avec autant de fierté que de finesse la ligne, la merveilleuse ligne féminine et botticellienne, de celles qui ont éclos sous les pinceaux de Harunobu, de Kiyonaga et d'Utamaro. L'on ne saurait trop méditer, ni avec trop de reconnaissance et d'amour, sur le miracle de ce langage de la forme et couleur qui relie par des communications indéfinissables et certaines, à travers les temps, la Grèce, la Toscane et l'extrémité de l'Orient. La calomnie, les grandes madones, la crise, la fin. Nous aurions pu joindre au précédent chapitre des indications sur deux autres œuvres, d'une bien moindre importance d'ailleurs, quoique caractéristique, où nous trouvons l'occasion de déplorer encore le sacrifice insensé que fit Botticelli de ses nues où il avait prodigué tant d'études et d'ardeur. Mais nous devons maintenant nous rapprocher de la fin, triste comme toutes les fins, et ces deux œuvres nous fourniront naturellement la transition. Un amateur florentin, Pucci, lui avait commandé 4 petits panneaux à fin de décoration, mettant en scène les épisodes d'un conte de Boccace, Nostalgio del Onesti. Vous connaissez cette histoire, d'ailleurs assez absurde et très féroce, d'où il ressort qu'une femme, à qui un soupirant déplaît, n'est bonne qu'à être donnée à dévorer à la chasse par les chiens de ce vindicatif amoureux. Elle est de plus condamnée à renaître chaque fois que les chiens ont fait ce délicat repas. Cette chasse fantastique a été certes traitée par Botticelli d'une façon vive, dramatique et pittoresque. Elle ne nous intéresse que par la façon dont il a traité le nu en mouvement véhément et par le regret que d'autres ouvrages aussi précieux mais d'un charme moins contestable aient pu périr. Infiniment plus curieux est le cas d'un petit tableau, essentiellement remarquable et très remarqué toujours par les visiteurs les plus divers aux offices, la calomnie. Allégorie traduisant picturalement un écrit de Lucien, lequel décrit une composition d'Appel, peintre d'Éphèse. Un tel avatar d'un sujet passant de la peinture dans la littérature et de nouveau de la littérature dans la peinture, sans qu'il y ait le moindre rapport entre le point de départ et l'arrivée, pourra être l'occasion d'un tour de force. Et, en fait, c'en est un ici, mais ce ne sera jamais qu'un tour de force bizarre. Bizarre, mais quand même délicieux. D'abord par la surprenante impression d'agitation, de désordre que comporte la scène. La suspicion et l'ignorance se ruant sur le despote crédule et lui hurlant l'accusation dans le pavillon de ses oreilles d'âne. La délation, femme parfaitement belle, traînant par les cheveux la pitoyable calomnie, mais conduite elle-même par le pâle et décharné envieux. La fourberie et la perfidie suivantes et dames d'atour de la délatrice. Enfin, la repentance en haillons arrivant trop tard, tandis que la vérité n'a d'autre ressource que d'en appeler au ciel. Puis séduction quand même, par le plaisir d'avoir suivi l'explication de cette charade, par le précieux de l'exécution qui, en vertu des facultés spéciales de Sandro, ne jure pas avec la violente mimique. Par la perfection du cadre architectural et l'ingéniosité merveilleuse de ses détails, bas-reliefs, statues, tout un monde d'histoire, où, comme l'a dit excellemment Perraté, toute la mythologie des métamorphoses d'Ovide se mêle à la légende dorée et à la Bible. Enfin, par cette saisissante figure de la vérité, si analogue à celle de Vénus et si différente, elle porte plus d'aplomb sur le sol. Et surtout, son visage grave, triste, est jeune, mais porte des signes d'une vieillesse précoce. Ce solennel en miniature est encore un des traits expressifs de ce génie, tour à tour et simultanément éperdu de volupté et tourmenté de mélancolie. Aussi l'œuvre prend-elle, sans que cela ait été voulu, mais parce que cela résulte de la force et de la logique de l'humaine pensée, une valeur symbolique. Elle est le trait d'union entre les créations de splendeur de cette pensée et les douloureux élans de ces dernières années. Cette sensibilité exquise s'affolera. C'était elle qui lui avait trouvé ses plus émouvantes inspirations. C'est elle qui le précipitera à douter de tout ce qui avait fait ses poignantes joies et presque jusqu'au désespoir. Elle lui suggérera la pire épreuve qui puisse être réservée à un artiste, la haine de son œuvre. On sait l'histoire, Savonarole, par réaction contre l'épicurisme médicéen, transforma Florence en un séjour d'excessif repentir de mortification, de pénitence, de larmes et de persécution. Les enfants même étaient enrôlés dans cette pieuse croisade aux méthodes infernales. Regardez-les, ces anges qui dansent avec tant de ferveur autour de Marie couronnée par Dieu le Père, ou qui tiennent avec tant de componction les instruments du supplice divin. Ce sont eux qui se vont ruer en troupe sur les belles Florentines, leur arracher leurs bijoux et lacérer leurs soies, qui pénétreront dans les demeures pour en déménager les œuvres d'art profanes destinées aux bûchers expiatoires. Ce sont les mêmes aussi qui aiguiseront des petits bâtons bien pointus pour piquer les jambes de Savonarole lorsqu'il sera conduit à son tour au bûcher. Sandro, atteint de la folie momentanément collective qui devait exercer sur son esprit immobile et lassé une action trop vive, fera le pleureur, le piagnoné, et offrira au dieu du fanatisme le lamentable sacrifice d'œuvre que les dieux de la beauté l'avaient chargé d'accomplir. Détournons notre pensée de ces misères. Ce qui demeure, c'est tant de visions radieuses. Nous avons cherché à nous pénétrer de quelques-unes des plus célestes. Il nous en reste d'autres à contempler, et que de choses il y aurait encore à dire. Les charmants vestiges de la villa Lemmi, que le Louvre n'a sauvé de la destruction que pour les condamner aux ténèbres. Le magnifique couronnement de la Vierge, surmontant le groupe grandiose de quatre saints, Jean l'Évangéliste, Augustin, Jérôme, Éloi. Œuvre si noble, si châtiée et à la fois si puissante d'effet, la Madone aux deux Saint-Jean du musée de Berlin, où l'on constate dans le Baptiste cette influence de Donatello lors des années de formation. La somptueuse Madone de San Barnaba, où plus encore que dans tout autre, s'accuse l'agitation du sentiment alliée à l'exécution la plus minutieuse, à corps séduisant et paradoxal. Œuvre qui s'est vue infliger toute une moitié de la partie supérieure, vandalisme dont on peut constater l'effet désastreux du point de vue de la composition, en cachant sur la reproduction tout ce qui dépasse les deux lunettes. Mais que cet absurde outrage n'empêche pas d'apprécier la charmante expression de la Vierge et le pittoresque si original des anges et des saints. Enfin, pour abréger la revue, la Nativité en forme de tando de Londres, chef-d'œuvre de composition dans la construction et d'exaltation folle dans le détail des groupes, s'éclaire soudain d'une sinistre lueur d'orage par l'inscription en langue grecque qui la surmonte, tellement significative d'un état d'âme qu'il la faut citer en entier. Ce tableau a été peint à la fin de l'année 1500, à la moitié du temps après le temps où s'accomplissait le 11e chapitre de Saint Jean l'Évangéliste et la seconde douleur de l'Apocalypse, et quand Satan fut lâché sur la terre pendant 3 ans et demi. Par la suite, le démon sera enchaîné et nous le verrons foulé aux pieds comme dans ce tableau. Pauvre Sandro, par bonheur, ta Vénus n'en a rien su. Lorsque l'équilibre fut tout à fait rompu entre le mysticisme et l'amour de la beauté, son exaltation le servit mal. Cette effrayante Pietà du musée Paul di Pezzoli, planche 58, où tout est plus cadavérique que la mort même, où le seul vivant, l'odieux bonhomme qui brandit la couronne et les clous, est intolérable, nous en donne un frappant et heureusement exceptionnel exemple. Du moins, dans les œuvres où sa sensibilité sans pareille tirait le divin de l'humain, rien dans l'art du Quattrocento ne peut nous donner l'équivalent en enchantement, en émotion, en attirance, d'une page telle que son Annonciation, la plus belle entre les milliers de belles images inspirées par ce sujet, poème d'humilité et de grâce, d'anxiété et de gloire. C'est cette sensibilité unique qui lui a fait trouver ce geste indicible, de la jeune prédestinée se retournant sur elle-même, disant de ses deux mains frêles son épouvante de bonheur et sa résignation. Puis aussi le mouvement du petit messager, cette fois pêché plutôt dans le ciel que dans les rues de Florence. Ici enfin la suavité pourtant si virile de l'exécution seconde la pensée à miracle. Il nous aurait plu de terminer sur cette sérénité frémissante si un trait des plus essentiels ne manquait encore à notre étude d'un esprit. Nous avons cru pouvoir soutenir que la fréquentation des poètes et des lettrés de son époque n'était pour rien, au fond, dans l'enfantement des œuvres, dont leurs écrits donnaient le prétexte et qu'elles paraissaient traduire. D'abord pour cette raison qu'eux-mêmes ne faisaient que humer l'air de leur pays, de leur ville, de leur temps et de ses passions, mais surtout parce que de part et d'autre, l'action du poète sur l'artiste cesse ou se modifie dès que l'exécution plastique commence. Toutefois, chaque artiste choisit ce qui lui est propre et favorable dans l'état d'esprit général et se l'assimile. Or, il est certain que Dante demeurait le grand chef des rêves depuis plus d'un siècle et demi. Il reste la preuve qu'il fut une des plus vives hantises de Botticelli sous la forme des dessins que celui-ci traça de la Divine Comédie. Du point de vue de la psychologie artistique, ils sont d'un passionnant intérêt que nous ne pouvons ici qu'indiquer. Ils ont été à peu près universellement incompris parce qu'on a voulu voir en eux soit des illustrations du poème, notion secondaire et mesquine, soit des dessins de peintre, alors que ce sont uniquement des tracés de pensée. Rien du fantastique aux effets colorés d'un Gustave Doré, rien non plus d'une étude de forme en vue d'arriver à une belle expression picturale. Uniquement des dessins aux traits, sans pour ainsi dire de solution de continuité, et mettant en scène de très nombreux personnages qui accompagnent les protagonistes. Dante et son guide sublime, Dante et une Béatrice majestueuse de pureté, c'est un phénomène infiniment plus troublant et plus beau que ne serait une œuvre conçue et exécutée plastiquement. Représentez-vous un moment le peintre captivé par le poète, ayant devant lui le poème qui se déroule à l'infini dans son imagination, ravi et docile. Il a posé à côté du livre sa main sur un feuillet. Dans cette main, un stylet, sans que le liseur regarde cette page blanche, suit parallèlement d'un trait léger, quasi involontaire, inconscient presque, toutes les directions linéaires auxquelles obéit sa faculté de peindre, au fur et à mesure que les strophes suggèrent des images. C'est ainsi que naissent ce qu'on a appelé les dessins médianimiques, et c'est ainsi d'ailleurs que d'une façon moins complexe procédait Rodin dans les dessins qu'il exécutait sans regarder le modèle dont il exigeait la constante mobilité. Voilà autant que l'on peut l'expliquer et la genèse de ces dessins et ce qui en fait la prodigieuse beauté pour ceux qui ont su en admirer le jet sans se rebuter de leur légèreté abstraite et de leur enchevêtrement. Si l'on considère ainsi que ce sont des dessins de rêve, de ces choses qu'on pourrait voir la nuit, qu'on écrirait dans la nuit, cela s'immensifie et s'illumine. En isoler ici des exemples serait inutile. Pourtant, si l'on veut, un des plus beaux et des plus immatériels pourra en donner une idée qui montre Dante et Béatrice s'acheminant vers la région céleste au milieu d'une ronde cœur d'ange. Le poète garantissant ses yeux de la lumière céleste que d'un geste grandiose et doux. Elle, plus grande de proportion que lui, lui désigne. L'art, en tant qu'instinctif et émotif, ne peut aller au-delà sans trouver le néant. Botticelli avait commencé vers 1481 et continué après son retour de Rome cette série de dessins dont il reste 93 conservés à la bibliothèque de Berlin. 10 ans après, Pierre II de Médicis était chassé. Le règne de Savonarole commençait. 8 ans encore, et ce malheureux était brûlé devant la foule versatile à laquelle il avait osé faire peur. Sandro, en cette année 1498, en avait encore 12 à vivre dans une progression de gènes et de maux, supplice interminable et morne, dont on se demanderait s'il valait mieux que la rapidité dévorante des flammes. Pourtant, il restait à l'ancien Piaglione, partiellement rendu à son véritable culte, encore quelques belles œuvres à parfaire, telles la Nativité de Londres. À supposer que son visage soit bien dans l'adoration des mages au portrait des Médicis, celui de ce fier jeune homme aux cheveux bouclés, à l'œil interrogateur, à la bouche dédaigneuse et sensuelle, ou tout autre, ou analogue, parmi ses fiers et fringants chevaliers. Vasari a beau nous parler d'un vieillard ravagé, s'appuyant péniblement sur des béquilles, cette histoire non plus ne nous représente rien, et le nom de Botticelli nous demeure indissolublement lié à l'idée d'une immarcessible jeunesse. C'est que cette ruine était un autre, comme Florence était aussi une autre Florence. il nous est donné d'assister encore aux occupations de sa vie en 1503 dans une circonstance qui prend à nos yeux une signification singulière. Il fait partie d'un comité chargé du placement d'une statue. Ses arbitres sont l'architecte Giuliano da San Gallo, qui a presque le même âge que Sandro, Léonard de Vinci, âgé de 51 ans, Cosimo Rosselli, de 65, et deux autres maîtres encore. L'un de ces derniers, le doucereux, mécréant et commerçant en suavité séduisante, Pérugin, approche de 3 ans la soixantaine. L'autre, Filippino Lippi, à qui Sandro avait mis le pinceau à la main, doit grisonner, ayant 46 ans. Le jeune statuaire de 28 ans, auteur d'un David dont il s'agit de trouver la place, se nomme Michel-Ange Buonarroti. L'histoire ne nous offre pas toujours des symboles aussi saisissants. Botticelli, qui ne procède entièrement d'aucun de ses prédécesseurs et qui demeure à part dans son propre temps, n'a rien non plus de commun avec l'ère qui commence. Son œuvre est la fleur rare, unique, qui, destinée à ne pas se reproduire, a obtenu de garder pour nous, sous la protection de Marie et de Vénus, une immortelle fraîcheur. Ici se termine Botticelli par Arsène Alexandre, enregistré par Christiane Jehanne.